C'était le héros du panafricanisme et ne rêvait que d'édifier sur son continent natal une confédération de pays africains, les États-Unis d'Afrique. Cet homme, c'était Kwame Nkrumah, un pionnier du combat anticolonialiste, élu dès 1957 président de son pays nouvellement indépendant, le Ghana, l'ancienne Côte d'Or britannique. Mais ce dirigeant emblématique était aussi l'un des porte-drapeaux des mouvements de décolonisation qui agitaient le tiers-monde après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était en particulier l'un des leaders de ce que l'on a appelé la tri-continentale, c'est-à-dire un mouvement regroupant des organisations anti-impérialistes et progressistes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui était devenu assez logiquement la bête noire des puissances occidentales. D'autant plus que cette tri-continentale était soupçonnée de rouler en réalité pour le bloc de l'Est. Ses dirigeants étaient donc des cibles pour les services secrets de l'Ouest. Monsieur Hiss nous l'a dit la semaine passée, le principal animateur de ce mouvement était un ami de Nkrumah, le Marocain Mehdi Ben Barka, enlevé à Paris en 1965 et vraisemblablement assassiné. Et justement, d'après mon interlocuteur, de nouvelles informations sur cette mystérieuse affaire semblent indiquer que les services israéliens auraient été impliqués dans la disparition de Ben Barka. Mais auparavant, avant d'explorer cette piste, M. X revient sur le parcours de Nkrumah dans la décennie 1960, le Ghanéen, déjà victime de plusieurs tentatives d'attentats, est de plus en plus menacé et Washington ne semble pas étranger à ses manœuvres de déstabilisation. This day will never be forgotten, the 6th of March 1957. When the Gold Coast successfully get your independence officially. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day. Dr. Nkrumah went out his way to make the Gold Coast what it is today. He endeavored continually to bring us freedom and liberty. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day. Began as agitator, then he became popular leader. He continued to go further, and now he is Ghana's prime minister. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day. The national flag is a lovely scene with beautiful colors, red, gold and green, and a black star in the center representing the freedom of Africa. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day. Congratulations from Haile Selassie was proudly received by everybody. He particularly commend on the doctor's move to self-government. Ghana. Ghana is the name. Ghana. We wish to proclaim we will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day. Rendez-vous avec X. Je ne vais pas prendre la défense de tous ceux qui étaient attachés à la perte de Kwame Nkrumah. Mais il faut bien reconnaître que l'évolution politique du président ghanéen était inquiétante à bien des égards. Ouais, vous avez même parlé la semaine passée d'un comportement s'apparentant à la paranoïa. Oui, Nkrumah, au fil des ans et des difficultés de plus en plus importantes qu'il rencontrait, s'est laissé entraîner sur une pente qui a malheureusement été celle d'un grand nombre de dirigeants du tiers-monde. Oui, le despotisme. Et le culte de la personnalité. Pourtant, il avait plutôt bien commencé. Incontestablement. Et je le notais dans notre précédent entretien, à la différence de nombreux autres dictateurs, le président ghanéen n'a pas régné par la terreur. En tout cas, vous l'avez compris, Nkrumah avait de nombreux ennemis qui voulaient se débarrasser de lui. Et qui avaient déjà essayé d'attenter à sa vie. Toutefois, les plus résolus à obtenir sa perte se trouveraient certainement hors de son pays. Enfin, n'allons pas trop vite. Il faut d'abord observer que l'évolution autoritaire de la politique de Nkrumah va de pair avec son implication de plus en plus grande sur le plan international. Une implication qui se traduirait donc par une certaine négligence pour les affaires intérieures de son pays. On peut le penser. Alors, effectuons un petit retour en arrière. En réalité, je vous l'ai dit, encore plus que l'émancipation de son pays, c'est le panafricanisme qui motive l'action politique de Nkrumah. Ouais, c'est sa grande idée. Oui. Et depuis la conférence fondatrice de Manchester en 1945, où il a jeté les bases du panafricanisme. Bon, pardon si je me répète, mais le leader ghanéen pense que l'avenir de l'Afrique passe par la construction de son unité. Et pour lui, ça passe par l'abandon des frontières coloniales qui ont édifié des souverainetés artificielles. Et c'est aussi un combat contre le néocolonialisme. Qui prospère dans la balkanisation du continent imposée par les grandes puissances. Oui, mais c'est une utopie, car l'Afrique n'a jamais été unie. Certes, mais Nkrumah est persuadé que l'unité est une priorité. Et c'est le pivot de son action politique. Et il ne ménage pas ses efforts pour en convaincre ses interlocuteurs lors de ses nombreux voyages, en particulier aux États-Unis. Mais chez lui, au Ghana, où il prêche sans relâche pour l'unité africaine, il fait de son pays le foyer de cette revendication. Il y donne par conséquent asile à des révolutionnaires et des nationalistes venus de tout le continent et des pays colonisés. C'est donc aussi un foyer d'agitation. Qui, en ces temps de guerre froide, ne peut que susciter les plus vives inquiétudes en Occident. Et bien sûr, à partir de 1957, le Ghana indépendant devient une véritable plateforme panafricaine. D'ailleurs, Nkrumah annonce alors qu'il est prêt à utiliser toutes les ressources de son pays pour libérer et unir le reste du continent. Cet activisme incessant pour l'idée africaine attire aussi l'attention des militants afro-américains les plus radicaux. Les Black Panthers ? Entre autres, oui. Ils savent désormais que le Ghana leur offre un refuge pour échapper à la traque du FBI. Mais il y a aussi tous ceux, descendants d'esclaves, qui aspirent à retrouver leurs racines africaines. C'est si vrai que dans ces années 50 et 60, la capitale Accra est maintenant une ville internationale qui regroupe des idéalistes noirs de tout poil. Et nouvelle source d'inquiétude pour les colonisateurs, alors. Et tous les élateurs du pouvoir blanc pour lesquels le Ghana est maintenant considéré comme un dangereux foyer de subversion. En avril 1958, à l'initiative de Nkrumah, une conférence réunit des représentants de tous les États d'Afrique indépendants. L'Égypte, la Libye, le Soudan, la Tunisie, le Maroc, l'Éthiopie ou encore le Libéria. Et c'est déjà l'esquisse de la future organisation de l'unité africaine qui sera créée 5 ans plus tard à Addis Abeba. Nkrumah réussit-il à convaincre ses homologues africains ? Ah, ça ne va pas de soi. Beaucoup de ses dirigeants considèrent avec circonspection les ambitieux projets d'unité africaine du leader ghanéen. Et d'abord parce qu'ils veulent rester maîtres chez eux. Il n'empêche que cette première conférence prône sans ambiguïté la décolonisation et décide la mise en place d'une structure collective destinée à venir en aide aux territoires qui vivent toujours sous la férule coloniale. Ah ben ça, c'est une nouvelle pierre dans le jardin des grandes puissances coloniales. Évidemment. À Paris, par exemple, on apprécie peu. D'autant que notre pays est alors engagé dans une lutte féroce contre les indépendantistes camerounais. Et puis il y a l'Algérie. Et encore, tout près du Ghana, la Guinée de Sékou Touré. Ouais, Sékou Touré qui va infliger un véritable camouflet au général de Gaulle. Le Guinéen opte, en effet, pour l'indépendance immédiate de son pays. Et refuse par là même d'intégrer la communauté française. Ce que lui offrait le général. Il faut observer que c'est le seul pays de notre empire colonial qui réagit ainsi, d'où la colère de Gaulle. Oui, et les tentatives de déstabilisation qui vont suivre. Hein. Et sous la houlette de Jacques Foccart, et avec la participation active de nos services secrets. Pour Nkrumah, l'occasion est trop belle. Il décide aussitôt de venir au secours de ses couturés en lui accordant immédiatement un prêt financier afin de faire échec aux représailles économiques de Paris. C'est donc en même temps un affront fait à la France. C'est certain. D'autant qu'à la fin de l'année 1958, nouveau pied de nez à Paris, les dirigeants ghanéens et guinéens franchissent un pas supplémentaire. Ils annoncent la création de l'Union Ghana-Guinée. Et pour Nkrumah, c'est l'embryon de ce qui pourrait devenir à terme les États-Unis d'Afrique. Mais manifestement, ces couturés semblent beaucoup moins enthousiastes que son homologue ghanéen. Et finalement, cette union se transformera en simple coopération entre les deux États. Ah, c'est une déception pour Nkrumah. Hein. Ah, mais il en faudrait plus pour tempérer son enthousiasme. Il organise une nouvelle réunion internationale à Accra, la CPA, c'est-à-dire la Conférence des peuples africains. Elle fait écho à la fameuse conférence des pays non alignés de Bandung, organisée 3 ans plus tôt. Des États qui voulaient rester à l'écart des deux blocs de la guerre froide. Hein. C'est ça. On va donc retrouver à Accra tout ce que l'Afrique compte de nationalistes et de révolutionnaires, tels le Congolais Lumumba, le psychiatre martiniquais Frantz Fanon, proche des rebelles algériens, le Kenyan Mboya, le Zambien Konda ou le Camerounais Félix Moumié. Mais Moumié qui sera un peu plus tard assassiné à Genève par le SDEC, hein, le service français de renseignement. C'est exact. Nkrumah, maître de cérémonie, donne le ton dans son discours de clôture. Il dit en substance, au Ghana, vous avez vu un État indépendant. Maintenant, après la tenue de cette grande conférence, rentrez chez vous et libérez votre partie de l'Afrique. Et lui-même, Nkrumah, va apporter sa pierre à l'édifice. Au Ghana, il décide la construction de structures d'accueil et d'entraînement pour les combattants indépendantistes du continent. Et c'est ressenti dans les capitales occidentales comme une nouvelle provocation. Ah ben, il ne pouvait pas en être autrement. Le personnage commence vraiment à sentir le souffle. Et on devine qu'un jour ou l'autre, il faudra se débarrasser de ce génie. Une observation quand même. En offrant ces camps d'entraînement à des guerrieros, là, Nkrumah ne se renie-t-il pas? Parce que jusque-là, il a toujours prêché la non-violence. Oui, et il y a là une contradiction. Car il s'est toujours gardé d'appeler à la lutte armée. Ah, c'était même, avez-vous dit, un disciple de Gandhi. Hein. Il a effectivement théorisé un programme de libération de l'Afrique par la non-violence gandhienne. Ce qui l'a conduit à s'opposer à d'autres leaders comme Frantz Fanon, qui lors de la conférence des peuples africains s'est présenté comme le représentant légitime d'un mouvement de libération armée, en l'occurrence le FLN algérien. Mais sur cette question de la violence, après ce renversement en 1966, Nkrumah évoluera et changera de point de vue. Ah, il a tiré des leçons. Incontestablement, mais enfin, n'allons pas trop vite. Hein. 3 ans. Après la triomphale conférence d'Accra, Nkrumah va connaître une cruelle déception. Inter. Rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Retour sur cette conférence des peuples africains organisée en décembre 1958 par Nkrumah. Voici ce qu'en écrit Hamzat Boukhari Yabara dans son ouvrage Africa Unite. Cette grande conférence ne cherche pas à réunir les rares pays africains déjà indépendants. Comme l'indique l'intitulé de la conférence, également connue sous le nom de Conférence panafricaine des peuples, l'idée est de rassembler les peuples africains et non des chefs d'État. Ce sont donc pas moins de 60 organisations non gouvernementales, syndicats, partis politiques et mouvements de libération africains qui se retrouvent dans la capitale ghanéenne pour discuter des modalités de la libération totale du continent. L'affiche de la conférence, qui montre un homme noir brisant ses chaînes au-dessus d'une carte de l'Afrique, ne fait pas mystère des intentions de ses organisateurs. Et pour ceux qui auraient encore un doute, une allusion aux célèbres mots de Marx et Engels sert de légende. Vous n'avez rien à perdre à part vos chaînes, vous avez un continent à regagner. Vous avez parlé de déception. Oui. En 1963, à Addis Abeba s'ouvre la conférence fondatrice de l'Organisation de l'Union africaine. Qui devrait donc consacrer le triomphe des idées d'Nkrumah. Eh bien, c'est au contraire un cuisant échec pour lui. Expliquez. Son projet panafricain n'est pas avalisé. Les dirigeants présents rejettent l'idée de fédération au profit d'un système simplement coopératif et surtout compatible avec le système néocolonial en place, qui dans les faits favorise les puissances occidentales et leurs meilleurs alliés africains. Et cette désillusion explique sans doute pourquoi Nkrumah va dépasser le panafricanisme pour épouser un nouvel idéal, celui qui sera incarné par les promoteurs de la tricontinentale. Et de quoi s'agit-il? Ce sont les mêmes idées qui président à sa création. Et d'abord la lutte contre l'impérialisme. Oui, mais élargi alors à tous les pays du tiers-monde, en Asie, en Amérique latine et bien sûr en Afrique. Il n'est pas d'ailleurs inintéressant de noter que cette expression « tiers-monde » apparaît justement au cours des années 1960. Et Nkrumah va jouer un rôle dans cette tricontinentale? Où un autre pays va occuper une place éminente. Cuba. Ouais, bah Cuba, symbole de la confrontation avec l'impérialisme nord-américain. Évidemment. Et lorsqu'en janvier 1965, Che Guevara, muet en commis voyageur de la Révolution, entame sa tournée en Afrique, c'est presque naturellement qu'il se rend au Ghana, où il est accueilli très officiellement par Nkrumah. C'est en même temps une reconnaissance de l'action internationale du leader ghanéen. Oui, Nkrumah qui vient d'ailleurs de publier un livre au titre choc. Le néocolonialisme, étape ultime de l'impérialisme. Il y dénonce le rôle du gouvernement invisible des États-Unis dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Lumumba, effectivement, assassiné en 1961 par des sbires du leader Katanga Tshombe avec la complicité de la CIA et du futur président Yahirwa Mobutu. Et alors, ce qu'il appelle, lui, le gouvernement invisible des États-Unis? Il désigne ainsi les services secrets américains. En tout cas, c'est quelques mois après la visite du Che que se dessinent les contours de la future tricontinentale. Et encore une fois, c'est à Accra que la fine fleur de la révolution mondiale va se réunir au cours d'une grande conférence de l'Organisation de solidarité avec les peuples d'Afrique et d'Asie. Il n'y a que du beau monde. Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende, Ho Chi Minh, Ahmed Ben Bella, Amilcar Cabral et Mehdi Ben Barka. Effectivement. Et c'est le Marocain Ben Barka qui est désigné pour orchestrer les travaux de la tricontinentale qui devrait tenir sa réunion fondatrice à La Havane. Et il est aussi prévu que le Ghana y jouerait un rôle clé. Ouais, nouvelle consécration pour Nkrumah. Oui, car la conférence d'Accra marque incontestablement une date. Mais c'est aussi un succès personnel pour Ben Barka. C'est évident. Celui que ses amis appelaient alors Monsieur Dynamo était devenu un grand leader tiers-mondiste. Dont l'influence allait donc bien au-delà du seul Maroc. Hein. Le Maroc où il avait été par deux fois condamné à mort, il faut le rappeler. Alors oui. Oui, Ben Barka était maintenant un personnage incontournable de cette mouvance anticolonialiste et anti-impérialiste. Et à ce titre, il était clairement devenu une cible. Oui, tout comme Nkrumah. Car pour les Occidentaux, ces hommes qui mettaient sur pied cette organisation internationale, la tricontinentale, étaient non seulement des fauteurs de troubles, mais des agents de la subversion. C'est-à-dire des crypto-communistes. Bien entendu. Mais justement, alors que le bloc communiste vient de connaître un schisme entre l'URSS et la Chine, comment se situent ces hommes? Ils sont prudents et ménagent la chèvre et le chou, si j'ose dire. Nkrumah, par exemple, qui est alors le porte-étendard du socialisme africain, se garde bien de prendre position dans la brouille entre les deux grands du communisme. Et tout en se rapprochant des soviétiques, s'il accueille chez lui des instructeurs chinois, il leur demande d'être discrets. En fait, la véritable fidélité de Nkrumah, c'est celle qui le liait à la tricontinentale. Il était même allé jusqu'à se brouiller avec les Chinois lors du renversement de Ben Bella en Algérie. Il tenait donc à son indépendance. Et c'est la seule propagande occidentale qui en faisait un affidé de Mao Zedong. Alors, vous avez dit que tant Ben Barka que Nkrumah étaient devenus des cibles, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Au début du mois de juin 1964, aux États-Unis, la Maison-Blanche donne son feu vert à la création d'un mystérieux comité 303. Sa mission, chapeauter les opérations clandestines en Asie, Amérique latine et Afrique. Est-ce un épigone de la CIA ? Ah, pas seulement. Ce comité 303 regroupe des représentants de la Défense, du Département d'État et bien sûr des services secrets. Oui, dont ceux de la CIA, forcément. Oui. Cet organisme secret est placé sous l'autorité de Mac George Bundy, qui est conseiller à la sécurité nationale auprès du président Johnson. Mais il sera bientôt évincé par Walt Whitman Rostow, un ex-délégué du département d'État. Et quoi qu'il en soit, là, ce comité 303 a donc une relation directe avec la Maison-Blanche. C'est évident. Son nouveau chef, Rostow, est un adepte de la manière forte. Ah mais d'où vient-il ? C'est intéressant. Cet universitaire qui s'est frotté au monde des services secrets lors de la Seconde Guerre mondiale était le petit-fils d'un socialiste ukrainien et le rejeton d'un poète de la Beat Generation. Donc, a priori, rien ne le destinait à rejoindre un organisme ouvertement réactionnaire. En effet. Dès la création du comité 303, son premier objectif, c'est Cuba. Oui, car Washington n'a jamais accepté la présence si près de ses côtes d'un gouvernement communiste. Première initiative. Le comité incite un certain nombre de pays d'Amérique latine qui n'ont rien à refuser à Washington de formuler une plainte auprès de l'ONU contre les ingérences dont seraient coupables les animateurs de la tricontinentale. Démonstration ou provocation, une manifestation de grévistes dégénère au Chili. Des carabiniers ouvrent le feu et la presse conservatrice titre « C'est la faute à la tricontinentale ». Et j'imagine que c'est aussi une attaque contre l'opposant Salvador Allende qui a participé à la conférence d'Accra. Cependant, pour Rostow, le comité 303 doit envisager des actions plus radicales. Ah, c'est-à-dire L'élimination pure et simple des dirigeants de la tricontinentale. La tricoco, comme ils l'appellent. Ou à tout le moins le renversement des régimes qui la soutiennent. Et Ben Barka et Nkrumah seront les premières victimes de cette initiative. Je vous l'ai promis, je vais revenir plus longuement sur le destin de Ben Barka, mais auparavant Nkrumah. Déjà, il faut observer que la conférence de mai 65 à Accra a bien failli ne pas avoir lieu. Car le mois précédent, le dirigeant ghanéen a été l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Et c'était déjà le comité 303 En tout cas, le chef de la station de la CIA à Accra, Howard Benn, était impliqué. Et le comité 303 ne devait pas être très loin. Nkrumah le savait-il ? Oui, car alors qu'il avait déjà été menacé en 1964, il avait écrit au président Johnson pour dénoncer l'action du représentant de la CIA, coupable de fomenter des activités clandestines et subversives au Ghana, au risque de détériorer les bonnes relations qui existaient entre les deux pays. Comment Johnson avait réagi ? Il avait assuré Nkrumah que les 5 officiers de la CIA en poste à la station d'Accra se trouvaient sous la supervision très stricte de l'ambassadeur états-unien. Ouais, c'était le moins qu'il pouvait écrire. Oui, car en même temps, le patron de la CIA dressait la liste des éventuels Ghanéens susceptibles de remplacer le président. Et parmi eux, il y avait le chef de l'armée ghanéenne, Joseph Arthur Ankrah. Un militaire que Nkrumah s'empressera de limoger quand une nouvelle fois, à l'été 1965, il devra faire face à un nouveau complot. Et Ankrah en était ? Presque certainement. Mais ce limogeage a été tardif, car dès son accession au pouvoir, ses compagnons lui avaient conseillé de purger une armée ghanéenne qui était encore encadrée par des officiers formés par l'ancienne puissance coloniale. Mais Nkrumah n'avait pas voulu. Et il va payer cette erreur. Alors même qu'il avait eu la preuve du peu de fiabilité de cette force armée lorsqu'elle avait échoué à venir au secours du jeune président congolais Lumumba à l'été 1960. Il en tirera quand même la leçon. Dorénavant, les officiers ghanéens ne seront plus formés à Londres, mais à Moscou. Oui, mais les anciens cadres sont restés. Oui, malheureusement, pour Nkrumah. En tout cas, le fait d'envoyer ces futurs officiers à Moscou a dû conforter les Américains dans leur conviction que Nkrumah avait choisi le camp communiste. Hein. Bien sûr. Et ils l'ont même soupçonné d'avoir lancé la construction d'une piste d'atterrissage dans le nord du Ghana, afin de permettre aux avions soviétiques à destination de Cuba d'y faire escale. Donc, pour le comité 303, Nkrumah était un homme à abattre. Mais les Américains ne vont pas agir seuls. Ils vont se trouver un allié assez inattendu en Afrique, le Mossad israélien. France Inter, Patrick Pénaud, à rendez-vous avec X. Roger Faligo, journaliste et écrivain, grand spécialiste des services secrets, a écrit un ouvrage passionnant sur l'histoire de la tricontinentale, une véritable somme. J'en extrais ce passage où il évoque l'ambitieux patron du comité 303. Pour revenir en force comme conseiller à la sécurité, le chef de ce centre de planification faisait le siège du nouveau président avec des mémos sur les dangers de la future bombe atomique chinoise ou sur la résistance Vietcong. De même, après la découverte d'une cache d'armes au Venezuela de provenance cubaine destinée à la résistance armée, Rostov proposa en février 1964, par des notes saignantes à Bundy et par ricochet au président, des attaques aériennes ciblées sur les installations militaires à Cuba. L'ancien planificateur de l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale rempilait dans ce qu'il savait faire, désigner des cibles aux bombes de l'US Air Force. Que faire en cas de riposte de la défense antiaérienne de Castro? Nous devons être prêts à réagir avec une force écrasante, concluait Rostow. Pourquoi le Mossad interviendrait-il en Afrique aux côtés des Américains? Eh bien, il semble qu'Israël ait été très attentif à l'évolution des pays africains. Surtout dans l'est du continent, bien sûr. Mais aussi dans tous ces pays libérés ou en voie de libération tentés par l'expérience socialiste. La crainte aussi de les voir soutenir un jour les Palestiniens? C'est vraisemblable. Il faut ajouter qu'à de nombreuses reprises, le Mossad a conduit des opérations en liaison avec la CIA. On va le voir avec la malheureuse affaire Ben Barka, mais restons encore un instant au Ghana. Le chef de la CIA à Accra, Howard Baine, propose au comité 303 une idée complètement folle pour semer le désordre au Ghana. Mais quoi ? Il propose d'attaquer l'ambassade chinoise avec lance-roquettes, pistolets mitrailleurs et grenades. Une fois les chicocos liquidés... Les chicocos ? Dans son jargon, il s'agit des Chinois communistes. Ah ouais. Donc, une fois ces Chinois tués, on s'empare de leurs archives, puis on fait sauter le bâtiment à la dynamite. Attendez, c'est sérieux ? Ah, tout à fait. Et Ben ajoute, dans la mêlée qui suivra, on ne saura jamais que c'est nous. Cette proposition est donc soumise au comité 303. Heureusement, Rostov a la tête sur les épaules. La différence de ce Ben, vous voulez dire. Hein. Oui, et il refuse. C'est trop dangereux de s'attaquer directement aux Chinois. Et il ordonne à l'agent de la CIA de travailler au renversement de Nkrumah en instrumentalisant l'armée ghanéenne. Et quel est exactement le plan prévu? Oh, d'une façon relativement classique, il faut profiter d'un voyage de Nkrumah en dehors de son pays. Et justement, en février 1966, il doit se rendre au Nord-Vietnam, via Pékin. Il doit y participer à des pourparlers de paix. Et ça se passe comment, alors? Un petit matin, des tirs sont entendus dans les parages de la résidence présidentielle à Accra. Et à 6h30, un flash à la radio annonce le renversement de Nkrumah par l'armée et la police et la mise en place d'un conseil de libération nationale dirigé par le général-major Joseph Arthur Ankrah. Et tout de suite, au centre de la capitale, la statue de bronze du chef de l'État est symboliquement déboulonnée. Autre symbole, un cortège funèbre emportant un cercueil censé contenir la dépouille de Nkrumah est conduit jusqu'au cimetière. Ouais. Mais le putsch a donc été pacifique. Oui. Hein. Et la population ghanéenne, sans doute lassée par les aspects despotiques du régime, ne s'est pas soulevée. Mais j'imagine que ce coup d'État militaire va aussi se traduire aussitôt par un changement radical de la politique du Ghana. Bah forcément. Première décision du général Lankra, il chasse tous les conseillers chinois et soviétiques et ferme l'ambassade cubaine. Réaction à l'étranger ? Les pays occidentaux, à commencer par l'Allemagne de l'Ouest, ont rapidement reconnu le nouveau pouvoir. Seule, la Grande-Bretagne a tardé de peur d'être accusée de néocolonialisme. Et elle a attendu que les pays africains se prononcent. Et Nkrumah, lui ? Il est naturellement fou de rage et proclame son intention de revenir malgré tout à Accra. Mais est-ce qu'il fera ? Non. Il se réfugiera à Conakry, où son ami Sékou Touré le nommera vice-président de la Guinée, mais à titre honorifique. En exil, il se consacrera à l'écriture, recevra de nombreuses visites et interviendra souvent dans les médias. Et avez-vous dit, un peu plus tôt, là, sa position sur l'utilisation de la violence a changé, hein ? Oui, sans doute à cause de son éviction du pouvoir, son discours s'est radicalisé. Et il considère qu'il a commis une erreur en n'ayant pas voulu rompre définitivement avec l'Occident. Ouais, mais pour l'Occident, sa chute est un soulagement. Hein ? Et même une victoire. Et non seulement pour les puissances occidentales qui ne supportaient plus son rapprochement avec le bloc soviétique et son soutien au mouvement subversif, mais aussi pour nombre de dirigeants africains toujours parrainés par leurs anciens colonisateurs. Ultime déception pour Nkrumah. L'organisation de l'unité africaine, qui était un peu son bébé, même si elle avait beaucoup déçu, a rapidement reconnu la délégation envoyée par le nouveau régime ghanéen. Bah, c'était aussi la fin du panafricanisme, alors. Tel que le concevait Nkrumah, oui. Nkrumah, qui atteint d'un cancer, s'éteint à Bucarest en avril 1972. Avant d'en venir à Ben Barka, là, comme vous l'avez promis, le bilan de Kwame Nkrumah. Ah, il est loin d'être négligeable. Car après le régime militaire, le Ghana a connu 6 élections transparentes et 2 alternances pacifiques. Et c'est suffisamment rare en Afrique pour être souligné. Mais surtout, alors que le pays a aussi connu des tensions ethniques, notamment en 1994, où des affrontements ont fait 2000 morts, il a échappé à la guerre civile. Et il le doit à Nkrumah, qui a encouragé les mariages interethniques, créé des écoles mixtes et forgé un sentiment d'appartenance nationale. Il faut aussi mettre à son crédit le fait qu'il ait inscrit dans la Constitution le puissant système de chefferie traditionnelle. Ah oui, un garant de stabilité. Et aujourd'hui, le Ghana est un modèle de démocratie, un exemple pour toute l'Afrique. Alors, venons-en au dernier développement à propos de l'affaire Ben Barka. Des développements assez explosifs, hein, d'après ce que vous m'avez annoncé. Et qui viennent directement d'Israël. On va donc parler une nouvelle fois du Mossad. C'est inévitable. Et je vous rappelle que la dernière fois où nous avons parlé ensemble de cette affaire, en 2011, si je ne m'abuse, vous avez déjà révélé que le service israélien avait joué un rôle dans la disparition du Marocain. Et donc, aujourd'hui, nous en savons un peu plus. Beaucoup plus, même. Grâce à des journalistes israéliens qui ont recueilli des informations à la meilleure source qui soit, c'est-à-dire de la bouche même du patron du Mossad à l'époque, Meir Hamit. Alors, qu'a-t-on appris ? Il vous faut d'abord savoir que le projet de tricontinental n'inquiétait pas moins les Israéliens que les Américains. Et d'abord parce qu'à Tel Aviv, on craignait par-dessus tout ces mouvements révolutionnaires subversifs qui se développaient à travers le monde. Et qui pourraient, un jour ou l'autre, assimiler Israël au camp des puissances colonisatrices. Exactement. Donc les Israéliens étaient plutôt partisans du statu quo en matière de politique internationale, quand ils ne pactisaient pas avec des gouvernements franchement réactionnaires et même racistes, comme celui de Pretoria. Mais passons. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le Mossad avait tissé des liens de confiance avec ses homologues marocains. Des Arabes, pourtant. Mais Hassan II et son ministre de l'Intérieur n'étaient nullement hostiles à Israël, au rebours de la plupart des autres pays arabes. Ils avaient permis, par exemple, que les Juifs marocains rejoignent massivement la Palestine. Mais il y avait aussi autre chose. Les services marocains pouvaient, à l'occasion, livrer de précieuses informations à leurs correspondants israéliens. Et ça a été le cas en septembre 1965. Ouais, attendez, des informations à propos de quoi ? Une importante réunion de la Ligue arabe venait de se tenir à Casablanca. Il y avait été longuement question d'Israël. La question débattue avait été celle de l'éventuelle ouverture d'un nouveau conflit. Ouais, une troisième guerre israélo-arabe. C'est ça. Eh bien, les services marocains ont livré au Mossad le contenu des délibérations. Et c'est ainsi que les stratèges israéliens ont compris qu'ils ne couraient dans l'immédiat aucun danger, mais qu'une future guerre serait inévitable. Il leur fallait par conséquent se préparer, et même, s'ils voulaient gagner, prendre l'initiative de déclencher les hostilités. Et afin de bénéficier de la surprise. Ben, ça sera en juin 1967, hein, la guerre des six jours. Mmh. Les Marocains n'ont pas tardé à présenter la note. Contre le formidable cadeau qu'ils venaient de faire aux Israéliens, ils ont demandé 3 jours plus tard à ceux-ci de les aider à régler le cas Ben Barka. Et Ben Barka, l'opposant numéro un de Hassan II. Hein. Qui, dans l'impossibilité de le gagner à sa cause, avait décidé de se débarrasser de lui. En parfait accord avec Washington, qui aspirait aussi à éliminer ce leader de la tricontinentale. Mais alors, sous quelle forme cette aide, alors? Premièrement, les Marocains ont demandé au Mossad de localiser Ben Barka. Ouais, qui bougeait beaucoup. Et se méfiait autant. Ensuite, ils ont demandé une aide logistique aux agents israéliens. Ceux-ci ont par exemple mis à la disposition des policiers marocains un appartement parisien où Ben Barka aurait pu être conduit, séquestré et interrogé. Ouais, mais cet appartement n'a pas servi puisque Ben Barka, après son enlèvement, a été emmené dans une villa de la banlieue sud. C'est exact. Mais c'est le troisième point qui est le plus crucial. Ben Barka est donc enlevé, interrogé rudement avec l'aide de quelques truands français, et c'est l'accident. Ouais, la mort, hein. Oui. Ben Barka succombe vraisemblablement sous les coups. Aussitôt, le policier, Dlimi, affolé, appelle à l'aide les agents du Mossad qui se trouvent à Paris. Et ce sont eux qui vont prendre en charge le cadavre et l'enterrer dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, après l'avoir arrosé d'un produit chimique destiné à dissoudre les chairs. Alors, tel aurait été donc le dénouement, mais vous croyez à cette version? Alors, au moins 90%, ça vous va? Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca de Nantes. Je vous rappelle le livre très complet de Roger Faligot paru à La Découverte, Tricontinentale, quand Che Guevara, Ben Barka, Cabral et Ho Chi Minh préparaient la révolution. Et un autre livre, Le Grand Livre des Espions, un ouvrage coédité par France Inter et signé par Monsieur X et moi-même, une galerie de portraits aussi romanesque que surprenant. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr. À samedi prochain. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.